Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le cours de l'histoire. Catherine, nous allons parler de votre pire ennemi, d'une autre aussi, les fausses informations. Elles polluent nos actualités, oui, mais elles ont une histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nos ancêtres n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour diffuser de fausses informations. D'ailleurs, la richesse du champ lexical prouve que le sujet est des plus sérieux. Brouhaha, on dit, bourdonnement, qu'en dira-t-on, potin, ragot, bobard, nouvelle, racontard, bruit, renommée, écho, oui-dire, voix publique, tapage, ronron, médisance, et bien sûr, fake news, autrement dit, infox. Comment circulaient les fausses informations et surtout comment échappaient-elles aux infirmations ? Maïté Biloré, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Maïté Biloré, vous dirigez avec Myriam Soria un ouvrage intitulé « La rumeur au Moyen-Âge, du mépris à la manipulation, 5e, 15e siècle » publié aux presses universitaires de Rennes. Vous vous intéressez à la rumeur, vous démontez les fausses informations, mais n'est-ce pas là le travail de l'historien, de l'historienne ? Ben, tout à fait. Travailler à décrypter l'information, à croiser les sources pour savoir ce qui est le plus proche de la vérité. Bien sûr, c'est le travail, mais quel objet d'étude est le vôtre ? Cette rumeur au Moyen-Âge était-elle très présente ? Oui, très présente. On y pense quand on envisage le peuple, la population. On se dit que ce peuple peu informé est assez prompt à relayer des nouvelles dont l'authenticité n'est pas certaine, mais on oublie également que les puissants ont également utilisé la rumeur. C'est un outil créé par le pouvoir également, quelque chose qui est instrumentalisé en fait, et qui peut servir à faire les réputations, à défaire les réputations, à soutenir le pouvoir ou à abattre un pouvoir. Nous étudions aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture les rumeurs, les oui-dire, les mauvaises et les fausses nouvelles sur le temps long avec, puisqu'il est question du temps long, cet ouvrage intéressant « Fake news et viralité avant Internet ». Oui, c'est la période d'avant. Avec nous, Julien Chou, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit cet ouvrage, alors vous étiez trois, hein, avec Pierre-Carl Langlais, qui est avec nous aussi. Bonjour Pierre-Carl. Bonjour. Et avec Marie-Ève Terranti, fake news. Mais alors, je regarde la couverture de l'ouvrage. L'auteur est Roy Pinker. Julien Chou, pourquoi ce nom ? Oui, alors, pour vous expliquer un petit peu, Roy Pinker, c'est un faux journaliste qui avait déjà été inventé au XXe siècle dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh. Et les journaux français avaient créé un faux personnage, un faux reporter, un faux correspondant américain qui rapportait toutes les nouvelles. Et on s'est dit, on est tout un collectif de chercheuses et chercheurs qui travaillons sur ces questions-là, sur l'histoire de la presse. Et pour publier nos petits travaux de recherche, on s'était dit que prendre ce nom-là, c'était un moyen de rendre hommage justement à cette question de la posture médiatique. Alors évidemment, ça peut paraître un petit peu paradoxal de publier des livres sur les fake news sous un faux nom, mais il nous semblait aussi que c'était une manière d'affirmer le collectif. Affirmer le collectif à travers ce Roy Pinker. Pierre-Carl Langlais, vous êtes post-doctorant au sein du projet Numa Presse. Une réflexion autour de la presse, mais qui n'est pas étudiée comme une source. Et c'est pourtant bien souvent le cas. Historiens, historiennes étudient la presse comme une source. Mais la presse peut être lue d'une autre manière, à la recherche de toutes ces fausses informations. Comment travaillez-vous, Pierre-Carl Langlais ? Alors, c'est un aspect qui est assez fascinant, c'est que paradoxalement, le numérique a révélé la viralité de la presse contemporaine, mais aussi de la presse passée, puisqu'on a eu une numérisation en masse de plein de collections d'archives depuis 20 ans. Aujourd'hui, on a quasiment toute la presse quotidienne nationale qui a été numérisée par Angelica jusqu'en 1950. Et cette abondance d'archives, elle nous a permis pour la première fois d'analyser vraiment le texte journalistique en masse et de repérer des phénomènes viraux dont on n'avait pas forcément idée. Aussi de pouvoir comparer des phénomènes internationaux, puisqu'il y a des bibliothèques qui ont numérisé aussi au Canada, en Amérique, en Afrique, en Asie. Et soudainement, on peut, pour la première fois, reconstituer la circulation d'une information, la circulation d'une rumeur, la circulation d'un roman, la circulation d'un fait divers, et voir comment il va se transmuter et passer d'un pays à l'autre, se reconfigurer. Donc il y a plein d'histoires qu'on a essayé de raconter comme ça dans ce livre, où des fois l'origine d'une fausse citation, l'origine d'un canular, eh bien elle se dessine sur plus d'un siècle et elle traverse les pays et elle est censée se reconfigurer. C'est comme une sorte d'immense fiction collaborative. Et ce processus, grâce à la numérisation, grâce aussi à de nouveaux outils qu'on est en train de créer dans NumaPress pour analyser ça, on arrive pour la première fois à le voir vraiment dans un aspect massif. Eh bien justement, ce livre, c'est Fake News et Viralité avant Internet, publié au CNRS Éditions. C'est drôlement bien, c'est un plaisir de lecture. Mais nous saisissons, quand vous évoquez la presse, une manière de diffuser la fausse information. Maïté Biloré, vous travaillez sur une période où la presse n'est pas encore là, le 5e, 15e siècle. Comment se diffusaient ces fausses informations ? Alors, les fausses informations circulent à la fois par le biais de communication orale, donc et puis aussi également l'importance de la diffusion écrite, en particulier à partir du XIIe siècle. Donc, pour ce qui est de la communication orale, évidemment, les nouvelles officielles passent par le biais de crieurs publics, de clercs curiaux, par exemple, qui peuvent être envoyés en ambassade. Et puis, les nouvelles officieuses, eh bien, elles passent par l'ensemble de la population, une population qui, contrairement à ce que l'on pense, est très, très mobile. En fait, les ecclésiastiques qui vont de monastère en monastère s'échangent des livres, des prédicateurs qui, par nature, se déplacent pour toucher les populations. On peut penser aux jongleurs aussi, hein, conteurs, chanteurs, amuseurs publics, les marchands aussi, hein, les commerçants, etc. Donc la mauvaise information, elle peut se diffuser très très vite, hein, beaucoup plus vite qu'on peut le penser. Et puis aussi une diffusion écrite, beaucoup de lettres. Énormément de lettres à partir du XIIe siècle. Hein. Donc le XIIe est le siècle de la diffusion des correspondances. Le siècle de la diffusion des correspondances, le XIIe siècle, mais le Moyen-Âge dans son ensemble diffuse des fausses informations. Alors, fausses informations, c'est parce qu'elle est parfois erronée, on ne connaît pas bien et honnêtement, on donne une fausse information. Mais parfois, il y a volonté de diffuser une fausse information. Le procès des Templiers. L'an du Seigneur 1307, Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, à tous nos seigneurs, baillis et chevaliers, salut et dilection. Une chose amère, une chose déplorable, une chose horrible à penser, terrible à entendre, un crime épouvantable, un forfait exécrable, une infamie affreuse, une chose inhumaine a retenti à nos oreilles, non sans nous frapper d'une grande stupeur, et nous faire frémir d'une violente horreur. Sur le rapport de personnes dignes de foi, il nous est revenu que les frères de l'ordre du Temple, cachant le loup sous l'apparence de l'agneau et sous l'habit de l'ordre, insultent le Christ et la loi divine par des actions abominables. C'est pourquoi la colère de Dieu s'abat aujourd'hui sur ses fils d'infidélité. Vu l'enquête préalable faite sur les données de la rumeur publique par notre grand inquisiteur de la perversité hérétique, après délibération plénière avec les prélats, barons et autres conseillers, nous décrétons que tous les templiers de notre royaume seront arrêtés sans exception aucune et retenus prisonniers. Tous leurs biens, meubles et immeubles, seront saisis et mis sous notre main. extrait d'une fiction radiophonique en 1960 consacrée à Guillaume de Nogaret, conseiller du roi, garde des sceaux du roi, qui milite pour la suppression de l'ordre des Templiers. Ses arguments, nous l'avons entendu, évoquent des personnes dignes de foi. La rumeur publique Maïté Biloré, dans la volonté de diffuser des fausses informations, nous trouvons déjà une véritable construction politique. La fausse information a une destination précise. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est intéressant l'extrait que vous avez donné là, puisqu'il s'agit d'un extrait vraiment du procès des Templiers. Et on voit bien que là, l'entourage de Philippe le Bel a décidé de les compromettre, hein, et fait propager des rumeurs sur leur comportement. Et la rumeur joue ici sur ce qu'on appelle au Moyen-Âge le néfandoum. Le néfandoum, c'est ce qui est contraire à la loi naturelle. C'est un crime tellement monstrueux qu'il ne peut pas se dire. Il est tabou. Et donc, c'est tellement pratique, hein, finalement. La rumeur, elle est le vecteur idéal pour quelque chose qui n'a pas de contour clair. Quand vous étudiez, Julien Choux, cette rumeur à une autre période, hein, c'est plutôt 19e siècle et puis encore 20e siècle, il y a des procédés en fait qui sont intemporels sur le fonctionnement de la rumeur. Et ce qui vient d'être dit là, cette évocation de personnes dignes de foi, cette rumeur publique, en fait, est toujours valable dans les siècles qui suivent. Oui, exactement. Alors, je pense que le grand livre à lire pour comprendre le fonctionnement du journalisme et cette question justement de la rumeur ou de la propagation de nouvelles, c'est Illusion perdue de Balzac, qui est le grand roman sur des journalistes. Et dans Illusion perdue, il montre très bien à quel point le journalisme s'empare de tous ces procédés qui sont la rumeur, la notoriété, la circulation, en fait, de ce qu'on pourrait appeler plus largement le crédit social, c'est-à-dire la foi qu'on peut donner à la figure de certaines personnes, et comment ce crédit est utilisé, fait l'objet d'une appropriation par les journalistes qui peuvent, par le biais de chantage, par le biais de fausses informations, complètement détruire le crédit de telle ou telle personne. Et dans Illusion perdue, par exemple, il montre à quel point les journalistes utilisent ces chantages pour détruire ou faire remonter la cote de telle ou telle actrice. Et ce chantage leur sert par exemple à vendre des abonnements au théâtre, qui sont obligés de souscrire à des centaines d'abonnements pour faire vivre le journal. Donc c'est un moyen pour eux de survivre et en même temps d'affirmer leur pouvoir. Il serait trop long et puis inutile de faire un catalogue du pourquoi des rumeurs. Mais nous l'avons entendu, il y a la volonté de discréditer quelqu'un ou alors de le mettre en avant. Maïté Biloré, cela est aussi très prégnant au Moyen-Âge. Focaliser une personne, une rumeur autour d'un individu pour le valoriser ou non. Oui, bien sûr. Et vous savez que la société médiévale est une société où la fama, la réputation des individus est vraiment très, très importante. En fait, c'est par le biais de la fama que les individus se trouvent insérés dans les réseaux d'influence, d'amitié, et en dehors desquels ils ne se trouvent pas. Et donc, en fait, cette réputation est essentielle. Et donc, la rumeur sert à faire une réputation, mais aussi souvent à détruire une réputation. Et certains milieux sont particulièrement propices à la diffusion des rumeurs diffamatoires, comme par exemple les milieux de la cour. Maïté Biloré, on essaye de vous couper la parole. Je pense que la dénonciation de la rumeur ne plaît pas sur les ondes et les réseaux sociaux. On va vous rappeler immédiatement. Mais cette notion de réputation est quelque chose qui nous plaît parce que, vous l'avez évoqué, Julien Choux, la personne, l'individu, permet de construire un discours. Il y a, que ce soit une personne connue ou inconnue, quelque chose de charnel dans cette histoire de rumeur. Oui, alors peut-être que pour comprendre un petit peu les questions de postérité, de gloire et de construction de la personnalité à cette époque, il faut voir que tout le monde comprend très rapidement que c'est à travers le journal, la presse et les médias que vont se faire désormais tout ce qui s'appelle la gloire ou la notoriété. Et Baudelaire, par exemple, très rapidement, il a compris que s'il veut devenir un grand écrivain, il ne peut plus passer comme auparavant par les anciennes formes de légitimation. Et il faut passer par la presse qui est devenue le principal vecteur de construction de la notoriété publique. Et il va lui-même choisir un titre comme Les Fleurs du Mal, par exemple. Il va appeler ça un titre pétard parce qu'il sait très bien que c'est ça qui va faire du bruit et que c'est ce bruit-là qui va le rendre célèbre. Oui, il y a aussi un côté publicité. Pierre-Carl Langlais, dans cette étude de la rumeur, il est possible tout simplement de mettre en place une économie, mais au sens premier de l'économie, il y a de l'argent, il faut vendre, c'est du journalisme et la rumeur est quelque chose qui fait vendre. Exactement, et c'est pour ça que ce qui est intéressant dans le 19e siècle qui commence à émerger, c'est cette logique d'instrumentalisation de la viralité médiatique avec des canulars qui sont pas complètement innocents. Alors moi, notamment, j'ai fait ma thèse sur la naissance de la chronique boursière au 19e siècle, et il y a un immense trafic à cette époque de fausses ou plus ou moins vraies nouvelles, ou plus ou moins chantage, qui se monnaie. Il y a tout un marché de la fausse nouvelle financière qui existe à l'époque, et qui représente des sommes énormes. Alors il y a un autre roman qui illustre ça très bien, c'est L'argent d'Émile Zola, et c'est tout ce thème c'est à la fois ces publicitaires, ces annonceurs qui des fois créent des entreprises qui sont complètement fictives. Il y a eu un cas assez fascinant pendant le Second Empire d'un homme né de rien qui arrive à s'inventer une notoriété et qui va jusqu'à faire un emprunt auprès du pape qui est pour le coup bien réel mais qui n'est absolument rien et qui disparaît avec l'argent des épargnants à l'époque. Donc il y a effectivement l'économie de la fausse rumeur déjà à l'époque, elle est déjà colossale. Eh bien justement, pour saisir un petit peu combien l'argent est au cœur de ces questionnements, il faut toujours un peu d'argent. Une jolie femme, c'est bien aussi pour alimenter une rumeur. Allez, lisons la Gazette de France en 1816. Une demoiselle russe, riche de 2 ou 3 millions, propose sa main et sa fortune à celui qui pourra la regarder sans effroi. Son visage représente une tête de mort. L'attrait des millions a porté, dit-on, quelques jeunes téméraires à tenter l'épreuve. Mais au moment où le masque est tombé, les plus intrépides ont été glacés d'épouvante. Cependant, on assure que les aspirants ne manquent pas. On ajoute que l'aspect de la gorgone ne les paralyse pas tous, mais que ces millions perdent leur prix quand on a vu son visage. La Gazette de France, le 24 décembre 1816, une lecture de Nathalie Canoui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Julien Chou, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Effectivement, la presse ancienne est un régal. Nous lisons les informations et voici le genre d'informations que l'historien habituellement lit, sourit, mais n'utilise pas. C'est quoi cette histoire de princesse russe richissime? Oui, alors ça fait partie de tout l'ensemble des espèces de rumeurs et de fausses nouvelles qu'on a essayé de collecter dans ce texte, parce que ce dont on a pu comprendre en travaillant sur cet immense pan de la presse qui n'avait jamais vraiment été fait l'objet d'une attention réelle, c'est que ce qu'on cherche habituellement dans le journal, c'est-à-dire des informations que ce qu'on comprend aujourd'hui comme un journal, c'était pas du tout la même chose au 19e siècle. Il y avait beaucoup plus d'éléments, on va dire, fictionnels, et il y avait une frontière assez floue finalement entre ce qui relevait du conte, de la fiction et l'information, la chronique. Et les journalistes eux-mêmes jouaient sur ce flou, avec le feuilleton par exemple qui était en bas de page, qui était bien représenté et compris comme quelque chose de fictionnel, mais des informations qui étaient au-dessus de la page et qui pouvaient être tout aussi fictionnelles, fictives que le feuilleton. Et les journalistes ont très vite compris que réutiliser un certain nombre d'objets comme ça qui circulaient, qui étaient des rumeurs, qui étaient des contes, qui étaient des fausses nouvelles et qui avaient un très grand intérêt pour les lecteurs parce qu'ils étaient poignants, parce qu'ils étaient émouvants, parce qu'ils mettaient aux prises avec les grands problèmes de la société de l'époque. C'était ça qui faisait vendre. Et donc les lecteurs allaient se régaler de ce genre d'objets qui circulaient d'une manière complètement incontrôlable. Et là, l'exemple de cette de ce récit-là. C'est un récit qu'on va retrouver à une échelle internationale, en France, jusqu'au Brésil, aux États-Unis, etc., et sur des dizaines et des dizaines d'années. Et en fait, ça n'a rien de, évidemment rien de réel, mais c'est toujours repris dans un contexte national précis. Et ce qui fait, je pense, l'intérêt central de ces objets-là, c'est justement que ça parle à quelque chose comme la peur de la mort ou à un certain type de relation à la société de l'époque, le problème du mariage, qui faisait immédiatement sens pour les lecteurs de l'époque. La Vénus à la tête de mort au 19e siècle. Effectivement, nous avons tout de suite envie de lire l'article. Pierre-Carles Langlais, il y a également à prendre en compte la manière dont les journalistes rédigeaient leurs articles et là aussi la fréquentation de la presse. Retro News, Gallica, les sites de la Bibliothèque nationale nous permettent de voir cette presse, nous montrent que l'on trouve les mêmes articles mais identiques dans des journaux différents. Comment fonctionnait-il ? Alors justement, c'est la grande question. À l'époque, ces journaux n'avaient pas autant de moyens que ceux qu'on va avoir par la suite. Il n'y a pas véritablement de grandes rédactions. D'ailleurs, quand vous regardez ces textes, la plupart des textes ne sont pas signés. Donc on est dans une économie médiatique qui est très différente de celle d'aujourd'hui, mais quand même pas si éloignée de ce qu'on voit aujourd'hui sur le web, où actuellement il y a toute une polémique sur ces sites agrégateurs qui ne font que reprendre des informations. Et ce que montre la presse du 19e siècle, c'est qu'à la fois, c'est une époque qui est très archaïque du point de vue de la profession journalistique, qui n'existe pas encore vraiment. On parle plutôt à l'époque d'écrivains de journal, et ils sont peu nombreux. Mais par ailleurs, déjà avant-gardistes d'une certaine manière, en termes de circulation médiatique, puisque pour contourner le fait qu'à l'époque, les rédactions étaient relativement limitées, les journaux, ils ressemblent presque plus, par certains moments, à des agrégateurs comme Google News, c'est-à-dire qu'une bonne partie du texte journalistique, notamment tout ce qui se trouve dans la page 2 et 3, la plupart des journaux faisaient 4 pages à cette époque-ci, ce qu'on appelle le ventre mou du journal, eh bien c'est que des textes qui sont exclusivement réimprimés. Et les lecteurs le savent, ils savent qu'ils lisent du texte déjà mis en circulation, mais simplement parce que c'est une solution à la fois économique et c'est aussi une manière à cette époque-ci, de manière relativement efficace, de faire transiter l'information. Ce que nous connaissons avec les réseaux sociaux, le copier-coller, se retrouve, vous nous l'expliquez, dans les journaux des siècles passés. Maïté Biloré, cette notion de copier l'information est au cœur de la diffusion de l'information au Moyen-Âge et donc de la rumeur. Et copier peut permettre de rajouter un petit peu. Le travail sur les sources est intéressant dès lors. Oui, le travail sur les sources est intéressant. Et je dirais, le problème pour nous, c'est d'approcher la rumeur ou l'information orale, je dirais, à partir des textes écrits. Donc on a le souvenir en fait de ce qu'on en a fait hein, en fin de compte, plus que. Il y a un complot contre les médiévistes et ça me désole absolument, mais voici que cela coupe de nouveau, alors que diantre, c'est tellement beau de raconter, d'écrire des rumeurs, des histoires au Moyen-Âge. Faites un effort quand même, déjà que vous inventez tout, essayez au moins que ça se voit pas trop. Mais tout le monde invente, à part Lancelot. Bon, ça, à part Lancelot, qu'est-ce que vous en savez qu'il invente pas ? Bah, j'en sais rien, mais ça a l'air tellement vrai. Mais c'est ça le truc, ça a l'air vrai. France Culture. Et pourquoi ça a l'air vrai ? Le cours de l'histoire. Déjà, il n'hésite pas. Exactement. Il a l'air sûr de ce qu'il dit. Xavier Mauduit. Enfin, personne n'est jamais allé vérifier si c'était vrai ou pas vrai. Si ça se trouve, c'est des grosses conneries, alors. Mon avis, non. Mais peut-être qu'il en rajoute un peu pour que ça fasse plus chevaleresque. Sublime Camelot d'Alexandre Astier. Il faut que ça ait l'air vrai, Julien Chou. Mais en fait, c'est la base de l'information. Il faut que ça ait l'air vrai. Et pourtant, nous sommes surpris dans les rumeurs, les fausses informations que vous évoquez dans l'ouvrage hein, Fake News et Viralité avant Internet. Il y a des choses qui nous semblent complètement incongrues. Et pourtant, ça a l'air vrai. Oui, c'est une des grandes questions finalement. Dans cette opposition, la question des fake news, c'est comment est-ce qu'on essaye de créer de la légitimité ou de donner l'impression au lecteur que ce qu'il lit, effectivement, il peut avoir confiance. Je parlais tout à l'heure de crédit. C'est la construction, finalement, de ce crédit qui est central. Et ça passe par tout un tas de processus. Et on peut dire, alors justement, on pose la question dans le livre de l'opposition entre différents types de faux, fake news. En anglais, il y a l'opposition entre false et fake, où il y a d'un côté l'information qui est fausse parce qu'elle dit quelque chose qui n'est pas vrai, et la fake news, au sens tel qu'on veut vraiment l'entendre, c'est plutôt une information qui n'est pas vraiment de l'information, c'est-à-dire qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, alors qu'en fait, elle n'est pas émise par quelqu'un de légitime dans le monde journalistique, par exemple. Et justement, tout le jeu depuis le 19e siècle et encore aujourd'hui, c'est de se faire passer pour un journaliste, de se faire passer pour quelque chose de légitime. Et alors, à l'époque, ça va passer par exemple par des phénomènes d'éditorialisation, la manière dont on va présenter l'information, la forme même du journal, si elle a l'air sérieuse, s'il y a beaucoup de colonnes de texte, s'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, si la police typographique est bien choisie, on va faire confiance au journal. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la manière dont les sites de fausses informations vont copier la typographie du Monde, la mise en forme des sites qui sont légitimes, pour faire passer pour vrai un contenu qui, lui, pourrait être complètement incongru. Il faut citer dès lors le Gorafi et leur travail qui est vraiment extrêmement efficace. Et en plus, c'est amusant, ce qui fait toujours plaisir. Les journaux diffusent les fausses informations, mais pour diffuser la rumeur, rien de tel que le ragot. Le croiriez-vous dans ma chère bonne? Paraît que mes chicano, vous savez l'huissier, oui, fait des choses avec sa bonne, qui en a de quoi être écœurée. Non. C'est pourtant pas que je sois pudique, mais je trouve tout de même exagéré d'aller chercher une domestique quand il y a d'autres femmes si bien tournées. Si que possible. C'est comme je vous le dis. Et il paraît même que le notaire, tous les 15 jours, va à Paris. C'est pour y retrouver une éther, une gorgondine, à ce qu'on m'a dit. Pendant qu'il est parti, sa dame ne s'embête pas avec le clair. C'est ce qu'elle appelle cette dame et femme, aller tirer l'affaire au clair. C'est du possible. Et comme je vous le dis, nous faisons des ragots, nous faisons des potins, ça fait partie du temps, ça n'est pas bien méchant. Et ça vaut mieux que de dire du mal de son bâtin. Venez voir ce qui passe par là. Mais je la reconnais, c'est la fille du boulanger. Elle va chez le pharmacien. Elle est donc malade. Qu'elle dit, mais entre nous. Mais racontez-moi ça. Écoutez donc. Elle prétend, la créature, qu'elle va chez le pharmacien pour se faire faire des piqûres qui, dit-elle, lui font grand bien. Mais chacun sait dans le village que l'aiguille dont il se sert et dont elle aime à faire usage, ça n'est pas une aiguille en fer. C'est idiot possible. C'est comme je vous le dis. Maintenant, je comprends, c'est logique. Pourquoi parfois le pharmacien ferme la porte de sa boutique et met une pancarte « Je reviens ». Et l'autre jour, ma chère amie, devant son magasin, c'est odieux. J'ai attendu une heure et demie. Je l'aurais cru plus vigoureux. C'est idiot possible. C'est comme je vous le dis. Nous faisons des ragots, nous faisons des potards, ça fait passer le temps, ce n'est pas bien méchant. Et ça vaut mieux que dire du mal de son voisin. Pia, pia, pia, pia, pia, pia, Jeanne Sourza qui chante Cancan dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Marie Placet avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson, le cours de l'histoire qui s'intéresse aux calomnies, rumeurs, murmures, comment circulaient les fausses informations. Dans la circulation des fausses informations, il y a la question de quelles informations. Pierre-Carl Langlais, une typologie pourrait être mise en place sur ces informations, mais et à la fin de l'ouvrage hein, Fake News et Viralité avant Internet, il y a un lexique qui est nécessaire, et notamment sur la définition même du mot canard. Le canard, pour nous, c'est un journal. En fait, ce mot-là a un sens premier un peu différent. Tout à fait. À l'origine, donc, c'est une fausse nouvelle forgée de toutes pièces et enflée jusqu'au mélodrame. Et ça fait partie, finalement, de cette vieille typologie médiatique. Donc, aujourd'hui, on utilise fake news. Mais à l'époque, c'est aussi ce qu'on a voulu montrer avec ce lexique, c'est qu'il existe déjà toute une manière de parler de la diffusion médiatique et aussi de ces phénomènes de distorsion qui existaient déjà à l'époque. Et donc on a voulu aussi faire émerger un peu ce vocabulaire qui garde un peu toute sa vigueur aujourd'hui. Et donc effectivement le canard, c'est cette circulation qui l'archétype finalement de la nouvelle inexacte ou semi-exacte qui a un attrait qui fait tirer des cordes au lecteur et qui va être l'élément quasiment le carburant premier de la presse au 19e siècle. Et la presse elle-même est consciente de ces rumeurs, lisons Le Petit Parisien en 1894. Il ne faut pas demander aux légendes parisiennes le charme poétique des légendes bretonnes ou de certains contes montagnards. Elles sont nées ou naissent d'une inspiration bien différente et ne visent à aucun effet moral. Les veillées d'hiver, pendant lesquelles le conteur s'assied près du poêle et déroule le cycle des récits merveilleux, tandis que les fileuses agitent leurs fuseaux, manquent totalement dans les grandes villes. Pourtant, des contes fantastiques s'y colportent. Vaguement, sur le pas des portes ou dans les loges des concierges, l'on parle de maisons hantées et d'événements mystérieux. Que de fois la presse a recueilli ces racontars pour en démontrer l'inanité. Nathalie Canoui qui lisait Le Petit Parisien le 10 novembre 1894, où les rumeurs du 19e siècle sont mises en relation avec les légendes racontées pendant les veillées. Maïté Biloré, la rumeur au Moyen-Âge du mépris à la manipulation, 5e, 15e siècle. Il y a pour le Moyen-Âge plusieurs types de rumeurs, mais la légende fait partie intégralement de l'idée qu'il faut raconter le miracle, le religieux. Ça, c'est une chose. Mais dans les rumeurs que vous étudiez, il y a tout un aspect beaucoup plus politique qui est vraiment la fausse information construite et volontairement diffusée à des fins clairement politiques. Oui, c'est une arme au service des stratégies de pouvoir, hein, je dirais. Et notamment au moment d'une rivalité ou de la très longue rivalité entre la France et l'Angleterre. C'est ce que vous étudiez dans cet ouvrage. Oui, et en particulier au moment où les nobles anglais qui ne s'entendent plus très bien avec Jean Sans Terre, hein, finalement, vont proposer la couronne à Louis de France, le futur Louis VIII, vont favoriser en fait son débarquement en Angleterre. Et là, on a toute une série de rumeurs qui vont se mettre en place pour essayer de retourner hein, finalement cette population aristocratique traître à son roi. Et justement, oui, au XIIIe siècle, nous avons cette volonté de diffuser de l'information pour, en l'occurrence, faire échouer des projets d'attaquer l'Angleterre. Ça, c'est une chose. Mais dans la construction politique de la rumeur, peu à peu, les armes s'étoffent. Et ces rumeurs politiques, elles sont là aussi très présentes au XIXe siècle. Julien Choux, il y a l'idée que l'on peut détruire une personne, un rival politique, par la rumeur. Oui, on donne quelques exemples dans le livre d'utilisation en fait des fausses nouvelles pour détruire des personnages. Alors, en particulier, par exemple, dans les années 30, on va téléphoner à toutes les rédactions au dernier moment, juste avant qu'on envoie toutes les informations sous presse pour essayer de diffuser des fausses informations, des fausses nouvelles sur certaines personnalités. Et s'il suffit qu'il y ait un journaliste qui soit assez crédule et qui ait besoin de remplir une rubrique au dernier moment pour qu'il reprenne l'information, qu'elle soit publiée et qu'elle soit reprise partout. Et on voit très bien que les gens utilisent aussi cette espèce de nécessité sans cesse de publier de la presse pour faire passer des choses qui ne passeraient pas du tout s'il n'y avait pas cette vitesse de la presse. Oui, la vitesse de la presse empêche tout simplement la vérification de l'information. C'est ça. Parce que c'est ça qui est au cœur en fait du questionnement, c'est vérifier l'information. Et je voudrais aller plus loin malgré tout, parce que l'information parfois n'est pas vérifiée ou la rumeur est là pour abîmer quelqu'un. C'est le cas pour Roger Salengro, scandale au milieu des années 1930. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue, comme dans le cœur de la victime. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale. Tous les traits infamants sont soigneusement recueillis et avidement colporté. On juge superflu de vérifier, de contrôler, en dépit de l'absurdité parfois criante. On écoute et on répète, sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touchent de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie, et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Voix émue. À qui est cette voix ? Sublime d'écouter Léon Blum. Oui, Léon Blum qui parlait lors des obsèques de Roger Salengro. Nous étions le 22 novembre 1936. Roger Salengro qui a été pris dans un scandale accusé par la presse de ne pas avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale. Une rumeur, quelque chose de terrible. Ces campagnes de rumeurs, Julien Chou, sont construites de manière réfléchi pour détruire quelqu'un. Dès lors, la question se pose, comment lutter ? C'est un peu ce que dit Léon Blum. Comment faire pour contrer ces rumeurs ou ces campagnes de dénigrement ? C'est un petit peu impossible, d'une certaine manière. Enfin, c'est une question qu'on se pose très rapidement. Enfin, dans les années 30, on va plutôt se poser la question de comment créer ces rumeurs et comment créer ces campagnes. C'est le moment où on se rend compte vraiment qu'on a des outils de propagande, on invente vraiment la propagande, qui sont des outils de masse et qui peuvent être utilisés pour transformer l'opinion publique. Et en fait, on pourrait parler d'une industrialisation de ces outils ou qui deviennent des armes pour les partis politiques, mais aussi pour d'autres partis qui se rendent compte, même à la marge, qui peuvent influencer de manière massive cette opinion. C'est ce qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on a des fermes à clics fascisantes, par exemple, qui vont produire du contenu parce qu'ils ont compris comment est-ce qu'on pouvait utiliser la diffusion virale de l'information pour faire passer des nouvelles, non plus par le canal hiérarchique, vertical, qui va de l'information vérifiée au public, mais par le canal horizontal, où c'est le public en lui-même qui va partager, à coup de clics, à coup de retweets, etc., des informations. La question, finalement, ce serait de parvenir à arrêter ou à freiner cette circulation horizontale, trouver des moyens pour que cette circulation horizontale se fasse de manière plus réfléchie, reprendre le contrôle en fait sur ça. On commence à réfléchir par exemple à des moyens de n'autoriser qu'un certain nombre de retweets ou qu'un certain nombre de partages par jour sur des comptes, ce qui serait un moyen justement d'empêcher cette rumeur de se diffuser de manière massive parce que pour l'instant il n'y a pas de coût pour le public, pour diffuser une information. Il suffit de cliquer, ça ne lui coûte rien. S'il avait l'impression qu'il ne peut diffuser qu'un certain nombre d'informations par jour, par exemple, peut-être que là, il y aurait une réflexion sur ce qu'on veut partager et une forme de contrôle individuel qui se mettrait en place. Avec toujours cette limite que la liberté d'expression ne peut avoir de contrôle. Mais c'est vrai, c'est une longue discussion. Vous savez, dès qu'il est question de réfléchir à comment faire quelque chose, le mieux c'est de regarder ce qui s'est passé avant. Tiens, on va demander aux médiévistes, était-il possible, Maïté Biloré, de stopper une rumeur ou en tout cas, comment ont fait les gens du Moyen-Âge ? Alors, c'est plutôt radical hein, de notre côté. On peut prendre, si on est du côté du roi, hein, par exemple, des mesures répressives pour limiter, empêcher la diffusion des rumeurs. Je pense, par exemple, en Angleterre, à la loi de Westminster de 1275, hein, qui criminalise hein, spécifiquement les propos calomniateurs à l'encontre du roi et de son entourage. Et donc, dans des lettres adressées au bailli, au maire, au vicomte, Édouard II d'Angleterre tente de museler la parole des médisants et demande donc à ses officiers de les faire arrêter, de les faire emprisonner, voire même ils seront condamnés. Et là, quand ils sont condamnés, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ils sont condamnés pour haute trahison. Donc, ils sont traînés, pendus, découpés en quartiers, décapités. Hein. C'est une mesure répressive très, très forte. Et puis, ça s'accompagne également d'un démenti. la plupart du temps, la manière de lutter est aussi de rétablir la vérité. Et donc diffuser une parole officielle qui va faire l'objet d'un communiqué, hein, le plus souvent par le biais d'une lettre ou d'une ordonnance. Effectivement, il faut toujours regarder un peu ce qu'ont à nous dire les antiquisants, les médiévistes, parce qu'il y a toujours des bonnes solutions, des idées un peu radicales, vous l'avez dit, Maïté Biloré, il est vrai, un peu radical. Et puis, dans tout ce qui est raconté ici, il y a la question étonnante, fascinante, du canular, mais le canular qui prend. Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. It strikes him head on. Lord, they're turning into flames. Ah! Oh, the whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. La guerre des mondes, Orson Welles en 1938, ce canular magique d'Orson Welles, bon, dont on a dit beaucoup, beaucoup en lui donnant une ampleur immense, mais le canular est essentiel dans cette idée de fake news, de fausses nouvelles. Pierre-Carl Langlais, quelle est la place du canular, vous en parlez, dans fake news et viralité avant Internet? Tout à fait. Alors, la canular, ça fait justement partie de ces initiatives qui sont conscientes de l'existence de l'environnement de viralité médiatique, puisque là, on a un effort conscient pour créer des nouvelles virales, avec des fois des succès variables. C'est ce qu'on se rend compte aussi quand on a maintenant accès à la presse. On se rend compte qu'en réalité, la diffusion n'était pas aussi importante que ce qui était dit. Des fois, on parle du fait que la nouvelle a circulé en Australie, en Amérique du Sud, et puis on se rend compte qu'il n'y a rien. Mais néanmoins, il y a effectivement des cas comme celui-ci. Et ce qui est fascinant avec l'exemple d'Orson Welles, c'est qu'on a retrouvé, donc à préparation de cet ouvrage, un premier exemple beaucoup plus ancien qui remonte à 1860, où c'est à peu près un même schéma. C'est quelqu'un qui redécouvre un extraterrestre au Kansas dans une sorte de soucoupe volante et qui le fait émerger. Et après, donc tout un récit qui se monte par rapport à ça. Et ce qui est fascinant dans cet essai, c'est qu'en réalité, c'est un journaliste scientifique qui invente une fausse nouvelle, qui la déguise en dépêche, mais dans un optique d'information. Alors, ça marche plus ou moins bien, ça suscite une controverse à l'époque, mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'une bonne partie des canulars du 19e siècle, en réalité, créent autre chose, ils créent en partie le répertoire de la science-fiction. On a un autre exemple, c'est le Great Moon Hoax, donc c'est un canular qui va se répandre comme une traînée de poudre 30 ans plus tôt, vers 1830, et l'idée, c'est que c'est un astronaute qui observe la Lune et qui arrive à identifier une extraterrestre. Ce qui est fascinant avec ces canulars, c'est qu'ils posent déjà un ensemble de tropes, de repères qui sont ceux de la science-fiction, bien avant que les textes de science-fiction commencent à apparaître. Donc l'idée, par exemple, d'avoir un extraterrestre dans une soucoupe qui atterrit, c'est beaucoup plus tôt que ce qui va apparaître en littérature. Donc il y a aussi un effet, on va dire, un peu créateur aussi de ces fausses nouvelles, de ces canulars, qui posent aussi par la rencontre, le choc qu'elle provoque entre le fait, entre le vrai et le faux, entre la technicité de la dépêche, la technicité de la science et d'autre part une information inventée, elles font provoquer, elles font émerger aussi des productions culturelles qui vont ensuite se diffuser autrement. Vous avez tout à fait raison de souligner combien ces fausses informations deviennent documents historiques en tant que tels, et c'est pour ça que c'est intéressant de les étudier. Et pour tous ceux qui aiment l'histoire, Julien Chou, je me tourne vers vous et je dis, la garde meurt mais ne se rend pas. Nous sommes à Waterloo en 1815, Cambronne prononce ce mot, puis après il dit merde. En fait, l'invention de la citation en histoire est aussi un objet qui est passionnant. Oui, c'est assez effarant lorsqu'on, maintenant, on a des outils qui nous permettent de repérer, en fait, de manière très précise, la circulation de toutes ces grandes phrases, de toutes ces grandes citations qu'on voit maintenant sur Internet réapparaître sur des posters, sur des images qui sont attribuées à telle ou telle personne qui ne l'a peut-être pas dite. On se rend compte que c'est très très tôt dans un phénomène médiatique de construction de belles phrases, parce que les belles phrases, évidemment, ça fait vendre. Les belles phrases, ça fait historique. Les belles phrases, c'est quelque chose que le lecteur va retenir. Et très souvent, en fait, les grandes phrases de l'histoire, c'est un journaliste qui l'a inventé. C'est pas du tout la personne au départ qui l'a prononcé, mais c'est un journaliste qui voulait avoir une belle chute à son papier et qui a trouvé la phrase, la formule qui allait faire mouche. Ne croyez pas à toutes les citations que vous lisez sur Internet. Abraham Lincoln. Effectivement, nous le voyons sur les réseaux sociaux, ces citations sont diffusées. La question se pose toujours de la volonté première. Et si nous restons sur cette question de citation, c'est sûr que Cambronne a toujours dit « je n'ai pas prononcé cela », mais le journaliste, en le faisant, a-t-il une mauvaise intention ? Non, pas forcément. Au contraire, je pense qu'il y a une volonté quasiment patrimoniale du journaliste. Il s'agit de construire une figure, de construire une histoire et de participer aussi à l'histoire en train de se faire. Parce qu'il sait très bien que toutes ces informations, c'est ça qui fera l'histoire ensuite. C'est ça que retiendront les historiens. Et il y a d'une certaine manière, on avait des chroniqueurs antiques qui eux aussi inventaient beaucoup de choses et qui rajoutaient des éléments et qui parlaient de pays qu'ils n'avaient jamais visités. Là, le journaliste, il se sent très souvent dans ce rôle de chroniqueur du présent et il va trouver dans la belle phrase une manière finalement de faire vivre dans le futur ces personnalités. Et puis vous nous présentez des personnages incroyables, hein, Aurélien Scholl notamment, que l'on a oublié mais qui devrait être remis à l'honneur, qui publie ses nouvelles, notamment des télégraphes comme ça. Éden, 8h du matin, une scène touchante a eu lieu dans le paradis terrestre. Caïn a fait des excuses à Abel. Mais voilà, il y a aussi quelque chose, et ça il faut le dire, de très créatif. On l'a évoqué, hein, mais cette invention, ce génie mauvais parfois, peut être extrêmement positif à d'autres moments. Ça a dû être un plaisir de les rechercher, toutes ces rumeurs. Oui, enfin, on s'est beaucoup amusé à faire ce livre. C'est un livre, on se mettait à trois tous ensemble et on cherchait les moyens de se faire rire, de se faire sourire, de s'étonner les uns les autres. Et on espère que ce sera communicatif aussi pour le lecteur. Oui, ça l'est effectivement pour le lecteur. Fake news et viralité avant Internet, CNRS édition, ça l'est. Pierre-Carl Langlais, justement, dans cette étude-là, il y a, au-delà du plaisir de retrouver, une nécessité de prendre du recul et un vrai travail d'enquêteur qui est complexe pour retrouver le cheminement des fausses informations. Tout à fait, et parce qu'on est sur des phénomènes qui se déploient sur une très longue durée et qui remobilisent des processus qu'on voit encore aujourd'hui à l'œuvre. Mais je pense que ce qui est particulier avec les médias, c'est qu'il y a un peu une amnésie sur comment ils fonctionnent, comme ils sont toujours dans l'instant présent. Il y a toujours un peu un éternel présentisme des procédures médiatiques et on tend à refaire renaître les mêmes débats souvent. C'est comme ça qu'effectivement, c'est un peu ce qu'on a essayé de montrer avec cet ouvrage, c'est de montrer l'historicisation non seulement des processus de viralité, mais aussi même de la plupart des rumeurs, la plupart des histoires qui s'incluent dans les médias, qui ont une très longue histoire. Eh bien, merci à vous trois de nous avoir parlé sur ce temps très long de la rumeur au Moyen-Âge, du mépris à la manipulation, 5e, 15e siècle, c'est l'ouvrage que vous publiez à Maïté Biloré, sous la direction également de Myriam Soria aux presses universitaires de Rennes. Et merci à vous, Pierre-Carl Langlais et Julien Chou, pour Fake News et Viralité avant Internet, CNRS édition. Et maintenant, nous retrouvons notre journal à nous, mais avec des vraies informations, il n'y a pas de souci. C'est le journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, les réactions se manifestent alors que l'on découvre le contenu du rapport de Benjamin Stora dans les détails, à commencer par le sort des Harkis et de leurs descendants. Le Comité national de liaison des Harkis, le CNLH, a réagi au rapport de Benjamin Stora sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie, remis à l'Élysée la semaine dernière. Une réaction indignée à la lecture d'un texte qui minimaliserait la dimension de ce dossier historique sur le devenir des Algériens recrutés comme auxiliaires de l'armée française pendant la guerre d'indépendance entre 1954 et 1962. Le rapport préconise de nombreuses mesures pour reconstruire une relation franco-algérienne sur les ruines de l'histoire coloniale. Parmi toutes ces propositions, l'historien préconise de faciliter les déplacements des Harkis, considérés par certains Algériens comme des traîtres collaborateurs, déplacements des Harkis et de leurs enfants entre la France et l'Algérie. Une proposition dénoncée comme de la poudre aux yeux, selon Mohamed Badi, du CNLH auprès de l'AFP, qui explique que ces déplacements se font depuis longtemps et dans la douleur. Les Harkis, encore vivants aujourd'hui, sont désormais trop âgés pour affronter le mauvais accueil réservé à leurs enfants lorsqu'ils se risquent à faire le voyage. Ce qui apparaît en premier lieu dans cette réaction à vif, c'est la déception de ne pas avoir été consulté pour la rédaction de cette partie du rapport. Les revendications des Harkis s'adressent directement à l'État français en demandant la reconnaissance de ses responsabilités dans l'abandon des Harkis et les massacres de ceux qui sont restés sur place après le départ de l'armée et de l'administration coloniale en 1962. Car en effet, l'histoire des Harkis est considérée comme un dossier français. Dans un entretien accordé en novembre 2020 à la revue de l'armée algérienne El Djesh, Abdelmadjid Chiki, des Archives nationales algériennes, qui travaille avec Benjamin Stora, avait affirmé que le dossier des Harkis était hors des discussions en cours. Le destin des Harkis est considéré comme un problème français dont le pouvoir algérien ne compte pas s'emparer. C'est d'ailleurs contre l'État français qu'une plainte était déposée à partir de 2001 pour crime contre l'humanité. Boussa Dazni était alors président du comité de liaison des Harkis. La sentence a été prononcée par la France et le FLN et la vindicte populaire algérienne a été le bourreau de cette sentence. C'est pour ça que nous, on ne s'en prend pas à l'Algérie, mais on s'en prend à la cause de tous nos malheurs et de nos tortures qui continuent aujourd'hui, c'est-à-dire à l'État français. On estime aujourd'hui que 15 à 20 000 Harkis s'établissent en France de 1962 à 1968, alors que l'estimation de leur nombre total est difficile à évaluer, entre 200 et 400 000 recrutés par l'armée française, dont 60 à 70 000 sont exécutés en Algérie après la fin de la guerre. C'est la reconnaissance des massacres de ceux qui sont restés et le traitement indifférent des Harkis et de leurs familles installées en France qui fait encore aujourd'hui l'objet des revendications de leurs descendants. Merci Anaïs. Le journal de l'Histoire est sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. Qui dit vrai, qui dit faux, les calomnies, les rumeurs, les murmures, la manière dont circulaient les fausses informations, c'est ce qui nous intéresse toute la semaine dans le cours de l'Histoire, des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Le cours de l'Histoire, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Didier Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Demain, nous allons nous intéresser à d'autres formes encore de rumeurs, mais celles-ci sont magnifiques, les mythes nationaux, mais qui construit... Non, demain c'est les faussaires, demain faussaires, mais vrais artistes, l'histoire du faux en peinture.